Nej, det er sommeren. Amène-moi dans ton paradis. Que vienne en moi ton Saint-Esprit. J'appelle ta grâce, Sainte Mère, des produits consommables. Je prie pour des âmes sans vie. Je ris de ces ânes qui n'ont rien compris. Ecclésiastique, mon prêché cathodique, électronique et un péché canonique. Vos édoniques, je les diffuse par ma lumière dans vos vies. Je m'insère, je m'infuse. Au regard de chimère, il m'amuse. Ris de ce désert que j'inspire, telle une muse. Je vide les têtes de mes adeptes aseptise et prends garde à toi si tu m'aimes. Je n'en ferai pas de même. De ta pensée, je suis la reine. Ta volonté sera mienne. Passe pas devant la télé là. Hein? Mais... Je suis le seul qui se bat chez toi. Hey. Dans ton salon, je suis le meuble roi. Hey. Je garde tous les mômes quand tu n'es pas là. Plus personne ne parle que j'oublie des bacs. Car je suis tartelé, hey. Ton maître à penser. Hey. Car je suis tartelé, hey. Ton maître à penser. Hey, hey, hey, hey, écoutez la main, c'est pour toi, le produit de la ping. Hey. Scotch devant ma télé, toujours en train de glander, à taper toute la journée. Hey. Scotch devant ma télé, une métro à vider, un bédo à fumer. Hey. Scotch devant ma télé. Panasonic, mon écran filatrique, 12 litres de cric, j'ai des montées gastriques, 5 heures le cul posé devant ma télé, j'ai le cerveau déclaté, les pupilles dilatées, un air impréparé pour pouvoir consommer. J'achète du taboulé, Fleury Michon, il m'amènera dans mon épée, t'as une fille au gros nichon. J'ai carburant, yaourt, typhine, il faut que j'assure pour ma copine, comme Mickey Rourke. Dans tous ces films, je suis conditionné, j'ai invité pour le dîner Chazal et PPD. Celle qui se bat chez toi, hey. Dans ton salon je suis le meuble roi, hey. Je garde tous les mômes quand tu n'es pas là. Plus personne ne parle quand j'oublie des baguettes. Je suis tartelé, hey. Ton maître à penser, hey. Car je suis tartelé, hey. Ton maître à penser, hey.